Bienvenue pour ce cinquième numéro de 82 BPM, le podcast qui vous raconte l'origine d'une chanson. Je suis Yannick Doc et aujourd'hui je vais vous parler de Come Out and Play d'Offspring. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. The Offspring, c'est un groupe de punk rock qui s'est formé en 84 à Los Angeles par deux amis de lycée, Dexter Holland et Greg Kay. L'idée leur est venue à la suite d'un concert de Social Distortion. Ils voulaient y assister, mais on les a pas laissés rentrer qu'il y avait des risques de bagarre. Du coup, ils se sont dit, on va faire notre groupe. Bon, c'est un peu un truc à l'arrache. Il y a deux autres potes de lycée qui s'ajoutent, et ils se répartissent les instruments sans vraiment savoir en jouer. Mais bon, ils sont hyper motivés, et ce qui compte, c'est surtout de passer du temps, s'amuser, boire des bières. On retrouve Holland à la guitare, Greg Kay à la basse, Doug Thompson au chant, et Jim Benton à la batterie. Cette première formation s'appelle Manic Suicidal. Ils enregistrent des démos, mais pas d'album. Et le batteur et le chanteur m'en partent rapidement. Personne ne souhaitant chanter, c'est Dexter qui s'y colle. Kevin Noodles arrive à la guitare, et lui au départ il est juste engagé car il est majeur, et du coup il peut acheter de l'alcool. Ça les arrange. Le nouveau batteur c'est James Linja, et c'est lui en 86 qui va baptiser le groupe The Offspring. C'est une référence à un film d'horreur de l'époque, et ça signifie descendance, progéniture. Il va rester deux années avec le groupe avant de partir pour aller en fac de médecine. Et à l'heure actuelle, il est gynécologue. D'ailleurs, en parlant d'études, le chanteur Dexter Holland a un master en biologie moléculaire. Mais il a abandonné sa thèse en doctorat car leur premier album venait de sortir et ça commençait à avoir un peu de succès. Du coup, il s'est concentré uniquement sur la musique. Bon, vu la suite, c'était pas une mauvaise idée. Mais en 2013, il a quand même repris une thèse en rapport avec le virus du sida. Bon, le nom est un peu compliqué, je vous mettrai ça dans les notes du podcast. Bon, revenons à la chanson. Come Out and Play sort en 1994 sur le troisième album du groupe, Smash. Et ça sort sur un petit label indépendant, Epitaph Records. Le titre, c'est une référence au film The Warrior de Walter Hill, sorti en 1979. C'est aussi le réalisateur de 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Bon, ils avaient peu de temps pour enregistrer l'album, et c'est le dernier morceau à avoir été composé. Dexter Holland avait plein d'idées, et ce morceau rassemble pas mal de trucs, et en fait c'est plusieurs débuts d'idées de chansons mises ensemble. Les paroles sont plutôt dures, il parle de ce qu'il voit, de ce qu'il vit à Los Angeles. On est quelques années après les émeutes de 1991, et il y a toujours des histoires de guerre de gang, de règlement de compte à coups de flingue dans les écoles, de prison... Bref, c'est pas la petite maison dans la prairie. Et ça contraste fortement avec la musique, qui est plutôt rythmée, joyeuse, avec ce petit air oriental un peu sorti de nulle part. Bon, c'est pas sorti de nulle part, c'est un peu inspiré de groupes que Dexter entendait quand il a découvert le punk. D'ailleurs, il y a le groupe Agent Orange, qui a tenté de les attaquer pour plagiat. Mais les experts n'ont pas donné de suite. Et le truc de la chanson que tout le monde retient, c'est son gimmick. L'idée lui est venue des années avant, quand il était encore en train d'étudier la microbiologie. Dexter faisait une expérience, et ces deux solutions n'arrivaient pas à se mélanger. Alors il s'est dit, je vais les garder séparées. C'est une phrase qu'il a gardée dans un coin de sa tête, et comme le morceau rassemble plusieurs idées pas vraiment prévues pour aller ensemble, c'est ressorti là. Il a placé ça au milieu du refrain, juste parce que c'est marrant à dire, et la voix sur le disque, c'est aussi, dans le clip, c'est un ami qui a grandi dans un quartier latino. Du coup, il a un accent un peu bizarre, mais c'est ça qui a marqué le public. La chanson cartonne et tourne en boucle sur MTV. Alors que c'était même pas prévu que ça soit le single. La carrière du groupe éclate vraiment et il passe de salles de 500 personnes à des salles de 5000 personnes, à une tournée mondiale. L'album Smash s'est vendu à 10 millions d'exemplaires et c'est un record pour un label indépendant. Et le record est encore valable aujourd'hui. Maintenant, passons à la partie reprise. Bon, alors, je vais vous épargner les 450 000 versions de groupes de lycéens pour les fêtes de fin d'année scolaire. Quoi que ça se trouve, aujourd'hui, il y en a peut-être plus tant que ça qui font ça. Bon, il y a quelques années, c'était le cas. Bref, la première reprise, c'est une version métal de Yades en 2009. Avec une reprise jazz de Richard Cheese. On continue avec une version acoustique des Ukulele Bo-Boys. Et une petite dernière pour les amateurs de rétro gaming, une version de 8-Bit Universe. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Vous pouvez me contacter sur Twitter, @yannickdoc ou @82bpmpodcast. N'hésitez pas. Hein. Un très grand merci à tous ceux qui partagent et qui me font des retours. C'est cool. L'émission est dispo sur PodCloud, sur iTunes. Vous pouvez mettre des étoiles d'ailleurs. Et j'ai aussi mis les épisodes sur YouTube. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Et vous cherchez Yannick Doc, ça devrait marcher. Allez, à bientôt. Kids are crapping on the way to the classroom, getting weapons with the greatest of ease. The king said, gather round, campus, look out. If they catch you sleeping in, it's all on the bow. And one guy's colors and the others don't mix. They're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep him separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep him separated. See the sirens, it's already too late. One goes to the morgue and the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes down the same as a thousand before. One is getting smaller, no one's learning to score. You never ran as free of death and violence and hate. It's gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own. Hey, man, you disrespecting me. Take him out. You gotta keep him separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep him separated.